malentendu. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamezo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 7 février, nous souhaitons une bonne fête au Eugénie, ça vient du grec signifiant bien-né. Attractive et sophistiquée, les Eugénies prennent soin de leur apparence et déploient un charme fou. Leur savoir-faire, leur joie de vivre les rendent sympathiques, leur confiance en elles-mêmes tend parfois à l'autosatisfaction. Impatiente, rapide d'esprit, elle se révèle astucieuse, intuitive, créative et pratique. Souple, adroite, communicative, au point d'être volontiers bavarde, elles sont aussi adaptables et infiniment sociables. Elles se montrent curieuses et le danger pour elles est la dispersion. Émotives, sensibles et imaginatives, elles sont nerveuses et il peut leur arriver de se sentir abattues quand la vie leur joue un mauvais tour. Heureusement, elles sont nées sous une bonne étoile, souvent marquée par la planète Jupiter ou le signe des Gémeaux. Dicton du jour, il faut qu'à la Sainte Eugénie, toute semaille soit finie. À la Sainte Eugénie, petit oiseau, reste dans ton nid. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale pour un internet plus sûr. Et Grenade, c'est le jour de l'indépendance qui commémore l'émancipation de la suzeraineté du Royaume-Uni. Et dans les événements qui se sont déroulés, un 7 février en 1914, c'était la sortie du court-métrage Charlot est content de lui avec Charlie Chaplin. C'était d'ailleurs le premier film où l'on découvrait le personnage de Charlot. En 1974 avait lieu l'indépendance de l'île de la Grenade. En 1992, c'était la signature du traité de Maastricht. Alors, un petit point, c'est le traité fondateur de l'Union européenne. Et en 2014 avait lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Sotchi, en Russie. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec Juliette Gréco et le titre « Déshabillez-moi ». Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes, oppressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse. Les doigts. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissant bien fait de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi maintenant tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous. Déshabillez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est Juliette Gréco sur RGM. Il est presque 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 7 février 1927, naissance de Juliette Gréco, chanteuse française. 1960, naissance de James Spader, acteur américain vu dans Wall Street dans le rôle de Roger Barnes. Né un 4 juillet, sexe, mensonge et vidéo dans le rôle de Graham Dalton, récompensé par le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Vu également dans le film Lincoln de Steven Spielberg dans le rôle de William N. Bilbo, Avengers l'ère d'Ultron, le rôle d'Ultron, à la télé dans Boston Justice dans le rôle d'Alan Shore, The Office dans le rôle de Robert California, mais à la télévision on le connaît surtout pour son rôle de Raymond Red Reddington dans la série Blacklist. 1962, naissance de David Bryan, musicien américain du groupe Bon Jovi. 1965, naissance de Julien Courbet, animateur, producteur télé français, animateur vedette de l'émission Sans aucun doute, hein, c'était de 1994 à 2008. C'est également l'année de naissance de Chris Rock, troisième du nom, comédien américain, vu dans L'Arme Fatale 4 dans le rôle de Lee Butters, Copain pour toujours 1 et 2 dans le rôle de Kurt McKenzie, la série Tout le monde déteste Chris, où il était le narrateur, l'oncle de Chris et le conseiller d'orientation. Et il est la voix originale du personnage de Marty, le zèbre, dans Madagascar 1, 2 et 3. 1971, naissance d'Emmanuel Curti, comédien français de double. Il est notamment la voix française régulière de Jim Carrey, Dean Cain, Doug Savant, hein, notamment dans Desperate Housewives, Matthew Perry, l'acteur de Friends, Sacha Baron Cohen, ainsi qu'entre autres une des voix de Ben Stiller. 1975, naissance de Rémi Gaillard, vidéaste français, activiste de la cause animale. 1978, naissance d'Ashton Kutcher, acteur américain, vu dans Pour le meilleur et pour le rire, 13 à la douzaine. L'effet papillon dans le rôle d'Evan Treborn, où il est également producteur exécutif, 7 ans de séduction dans le rôle d'Oliver Martin, Coast Guard dans le rôle de Jake Fisher, Jackpot dans le rôle de Jake Fuller, Valentine's Day dans le rôle de Reed Bennett, Kiss and Kill dans le rôle de Spencer Ames, où il est également producteur, vu aussi dans Sex Friends dans le rôle d'Adam Franklin, Happy New Year, Jobs dans le rôle de Steve Jobs, vu à la télé dans That 70 Show dans le rôle de Michael Kelso, Mon oncle Charlie dans le rôle de Walden Schmidt, et depuis 2016, il joue dans la série The Ranch le rôle de Colt Bennett. 1981, naissance de Monsieur Poulpe, acteur, animateur, humoriste français, vu en 2018 dans Taxi 5, Les aventures de Spirou et Fantasio ou encore Budapest. 1982, naissance de Michael Pietrus, ancien basketteur français, frère de Florent Pietrus, hein, qui ont tous deux joué en équipe de France. Il a fait sa carrière de joueur de 1999 à 2016 en jouant à Pau Orthez, pour les Warriors de Golden State, pour le Magic d'Orlando, pour les Suns de Phoenix, pour les Celtics de Boston, pour les Raptors de Toronto. Et de 2015 à 2016, il a joué à Nancy. Et en 1992, c'était la naissance de Jane, chanteuse française, qu'on écoutera en fin d'émission. Mais tout de suite, on s'écoute Bon Jovi avec leur titre Always. can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Different lives, something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him. Words of mine to say to you till the end of time, and I will love you, baby, always, and I'll be there forever. Always du groupe Bon Jovi sur le 107FM, presque 8h46, on fait un point météo. La météo. Et aujourd'hui, on passera la journée principalement sous la pluie avec peut-être quelques éclaircies à prévoir dans le courant de l'après-midi. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés cet après-midi. Vendredi devrait marquer le retour des éclaircies. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 6 et 7 degrés prévus pour demain après-midi. Et samedi sera une journée mitigée, alternance d'éclaircies et de pluie. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin et entre 8 et 9 degrés prévu pour samedi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football, 8e de finale de la Coupe de France, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié mais dans la douleur face à Villefranche, 3-0 après prolongation. Le club de Vitré de National 2 s'est imposé 3-2 face au club de N1 de Lyon-Duchère et Rennes s'est imposé 2-1 face à Lille. Ce soir, Guingamp affronte Lyon. Les quarts de finale opposeront Vitré à Nantes, le Paris Saint-Germain à Dijon, Rennes à Orléans et Guingamp ou Lyon à Caen. En basket, en NBA, cette nuit, l'équipe de Washington de Miami qui n'a pas joué s'est inclinée face à Milwaukee. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum à 14 points s'est inclinée face à Dallas 99-93. À noter que Tony Parker est blessé au dos. Et l'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est imposé face à l'équipe de Phoenix de Okobo 116-88. Alors pour Okobo, c'est 4 points et 3 rebonds et pour Rudy Gobert 16 points et 12 rebonds. Un mot de tennis maintenant avec tout d'abord le tournoi de Montpellier. Hier, la qualification de Jérémy Chardy en 2-7 face à son compatriote Hoang, 6-3 7-5. Joe Wilfried Tsonga s'est qualifié en 2-7 face à Gilles Simon 6-2 7-6 et Benoît Paire s'est incliné en 2-7 face à Berdych 6-2 6-0. D'ailleurs, il n'était pas très content de son match comme on l'a pu voir sur son réseau social. Aujourd'hui, Herbert affronte Ivashka et Pouille affronte Bagdatis et à Sofia, Gaël Monfils affronte aujourd'hui Koukouchkine. Un mot de ski avec le Super G et la médaille d'argent pour le français Johan Claret. Un mot de hockey féminin avec le tournoi des 4 nations. Ça se passe à Épinal. L'équipe de France féminine affronte ce soir à 20h l'équipe de Hongrie. 4€ l'entrée. À noter que le match à 16h30 qui oppose la Slovaquie à la Norvège a une entrée gratuite. Demain, le match aura lieu toujours à 20h pour l'équipe de France. Ce sera face à la Norvège et samedi ce sera 14h30 face à la Slovaquie. Et à noter d'ailleurs que si vous êtes intéressé par les 3 rencontres, il y a la possibilité d'acheter un pack pour les 3 jours, c'est 10€ ce pack. Et on termine l'actualité sportive avec du biathlon et on va au Canada à Quatremort où il fait environ moins 30 degrés. Oui oui, vous m'avez bien entendu, moins 30. Des températures glaciales qui perturbent d'ailleurs les courses. Alors aujourd'hui, on devait avoir l'individuel monsieur aux alentours de 18h15 heure française et 22h pour les dames. Que nenni, la distance est d'ailleurs réduite à cause du froid qu'il fait. Et pour les messieurs, ce sera à 20h20 si vous voulez voir l'individuel messieurs. Et pour les dames, alors là, il faudra être vraiment patient et il faudra se coucher tard puisque c'est rendez-vous à 22h55. Les relais devaient avoir lieu normalement samedi, tout compte fait, ils auront lieu demain vendredi. 20h30 pour les messieurs, 22h45 pour les dames. Et les mastarts qui devaient avoir lieu dimanche, tout compte fait, auront lieu samedi à 19h pour les hommes. Et à 22h pour les dames. À noter que le dimanche reste une journée où il se pourrait que des épreuves qui ne peuvent pas avoir lieu vendredi ou samedi soient décalées. C'est pour ça que voilà, ils ont tout ravancé pour avoir le dimanche pour pourquoi pas faire une course si cela n'était pas possible dans les jours à venir. À noter que la composition de l'équipe féminine de l'équipe de France ne change pas. Il y a toujours Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier, Justine Breza, Julia Simon, Célia Aimonier et Caroline Colombo. Et du côté homme, pas de Martin Fourcade, il l'avait dit, après l'épreuve d'Antols. Et du coup, c'est Fabien Claude qui a été appelé pour faire le sixième homme. Il rejoint d'ailleurs au Canada son frère Florent Claude, qui lui court sous les couleurs belges, je vous le rappelle. Et en équipe de France, eh bien, on a toujours Simon Détieux, Simon Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigona et Émilien Jacquelin. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec la chanteuse française Jane, qui chante en anglais, mais elle est française. Et son titre intitulé « Oh Man ». She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. For the first time in your life, you saw her, you could fly. For the first time in your life, you loved her, she loved you back. For the first time in your life, de Jane sur RGM. Un peu plus de 8h54, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 10h, vous retrouverez Les Oreilles du Monde avec Camille et Flo. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 14h, Clip Clapon tourne avec Tanguy. 16h, Les Années Bonheur avec Gilou. 20h, Débat Déo. 23h, Rock à la Casbah. Nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.